Je veux tourner à droite. Une flèche clignotante autorise à tourner à droite, bien que le feu principal soit au rouge. Mais en toute prudence, et en cédant le passage à tous les autres véhicules ou aux piétons qui se seraient engagés dans la traversée de la chaussée. D'une manière générale, pour éviter que les automobilistes soient en conflit direct avec les piétons, les feux piétons devraient être au rouge. Dans cette situation, puisque je tourne à droite, rien ne m'oblige à m'arrêter. Réponse B.